Le Rassemblement national conjoint de l'Organisation des enfants de Corée pour le 70e anniversaire de sa fondation a eu lieu le 6 juin à la place du Palais du Soleil de Kumsusan. Y ont pris part les délégués à la cérémonie pour le 70e anniversaire de la fondation de l'Organisation des enfants de Corée et autres enfants de la ville de Pyongyang. Y ont été invités Cha Ryong-hae, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, les cadres intéressés et les permanents de l'Union de la jeunesse. Tous les participants ont tout d'abord rendu hommage devant les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Le premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse, Chun Yong-nam, a lu le texte de résolution des 3 millions d'enfants adressé au maréchal Kim Jong-un. Voici le résumé du texte. On honorera toujours comme l'éternel soleil du Jeté le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il qui ont consacré toute leur vie pour le bonheur et l'avenir radieux des nouvelles générations, défendra fermement et fera briller les exploits mortels révolutionnaires des généralissimes accomplis dans l'histoire du mouvement des enfants coréens. Avec la foi immuable qu'on triomphe à coup sûr si le maréchal Kim Jong-un est toujours avec nous, on deviendra enfant révolutionnaire qui garde dans le cœur l'esprit révolutionnaire du Baektu, esprit du blizzard du Baektu, qui consiste à livrer la lutte jusqu'à la fin. Tous les participants ont décidé de devenir fils et filles authentiques du maréchal Kim Jong-un et enfants révolutionnaires qui, suivant les drapeaux à l'effigie des généralissimes au large sourire, sont toujours prêts pour la patrie socialiste, dotée du savoir, de la vertu et de la robustesse physique.